damsel propre à 22 ans. C'est une amie, mais de temps en temps, ce serait bien qu'elle nous explique d'où lui viennent ses manières et ses tics. Du bout des ongles à la pointe des chaussures, elle nous exaspère et ça, c'est sûr. Et maintenant, à chaque fois qu'elle râle, on veut lui en mettre une, c'est viscéral. Mamselle propre, tes manières nous pompent de l'air. Ton manque d'humour nous saoule toujours. Ta rigidité nous casse les pieds. On ne peut jamais improviser. Ton seul passe-temps, c'est ton boulot. Tu dis tout le temps que t'en as trop. Avec tes talons, beaucoup trop. Y'a que le béton que foulent tes sabots. Le sac Prada, courbant son bras, une cigarette entre les doigts. Sa garde-robe taillée 12 ans ne lui donne plus l'air d'une enfant. Elle danse que sous les projecteurs, dans l'odeur rance des mecs en sueur. Pour peu qu'elle soit trop éméchée, elle commence à se dessaper. Mamselle propre, tes manières nous pompent de l'air. Ton manque d'humour nous saoule toujours. Ta rigidité nous casse les pieds. On ne peut jamais improviser. Ton seul passe-temps, c'est ton boulot. Tu dis tout le temps que t'en as trop. Avec tes talons, beaucoup trop. Y'a que le béton que foulent tes sabots. Il y en a marre de te raccompagner tous les soirs. Juste parce que après 20 heures, tu as trop peur des violeurs. T'es une fille que l'on aime bien, mais 200 mètres, c'est pas bien loin. Et si d'aventure on n'accepte pas, on peut être sûr qu'on le paiera. Cette chanson sera mal prise, mais à force qu'on te le dise. Pense à te mettre au second degré. Parce qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Mamselle propre, tes manières nous pompent de l'air. Ton manque d'humour nous saoule toujours. Ta rigidité nous casse les pieds. On ne peut jamais improviser. Ton seul passe-temps, c'est ton boulot. Tu dis tout le temps que t'en as trop. Avec tes talons, beaucoup trop. Y'a que le béton que foulent tes sabots. Tes manières nous pompent de l'air. Ton manque d'humour nous saoule toujours. Ta rigidité nous casse les pieds. On ne peut jamais improviser. Ton seul passe-temps, c'est ton boulot. Tu dis tout le temps que t'en as trop. Avec tes talons, beaucoup trop. Y'a que le béton que foulent tes sabots.